Section 6. Partie 6. Bergerie déserte. En sortant d'un pré de luzerne fraîchement fauché, on ouvre une barrière délabrée et l'on se trouve dans une cour de ferme. Les bâtiments sont déserts, l'herbe et les ronces poussent le long des escaliers de pierre qui mènent aux granges. La margelle du puits est descellée. Un grand frêne, isolé dans la cour sur un petit tertre, étend des bras à demi desséchés. Les portes des celliers sont ouvertes. À gauche, un trou sombre dans la muraille. On s'approche. Il n'y a plus de porte, c'est la bergerie. Depuis bien longtemps, elle n'abrite plus d'agneaux. On regarde, l'œil s'habitue à l'obscurité. En face, par une petite lucarne, pénètre un rayon de jour qui tout à coup devient un rayon de soleil. Les murs sont noirs, le sol est recouvert par une eau verdissante qui prend une couleur magique à la lueur jaune qui filtre à travers les barreaux. Les poutres noires du plafond laissent passer des poignées de paille qui tombent du grenier disjoint. Dans les crèches, quelques brins de foin oubliés tremblotent à la brise. La lueur remplit la bergerie, moussue d'humidité. L'eau verte rayonne et envoie un reflet glauque qui joue sur le mur. Une splendeur inouïe, couleur de bronze et d'aigues marines, remplit cette presque obscurité, et personne ne voit cela que le voyageur qui passe, admire, laisse là un peu de son âme et ne reviendra jamais. 1892. La belle Angevine. Note. Écrit pour Angers Artiste. Au moment où le conseil municipal délibérait s'il continuerait sa subvention à la belle Angevine, c'est-à-dire au concert de l'Association artistique d'Angers. Fin de note. Légende. Très longtemps en ça, très longtemps assurément, une des plus belles filles du beau pays de France habitoit l'Anjou, et pour cette raison, dans toutes les contrées où la beauté est en renom, elle avoit nom la belle Angevine. Ce nom, après elle, est demeuré, dit-on, à une certaine magnifique poire du mesme endroit. En ce temps-là, on ne songeoit point encore à baptiser les roses, vu qu'il n'en existoit non plus que deux espèces, des rouges et des blanches, ce qui fut cause, ainsi que chacun sait, d'une grande guerre au pays d'outre-mer. La belle Angevine ne se contentoit d'être la plus belle et avenante personne qui ont que fuste. Elle estoie encore très savante, au doux parler de poésie, et surtout fort adonnée en l'art de musique, si bien qu'en ses gracieuses esbas, elle usoit charmer les oiselets du ciel qui venoient se poser sur les arbres pour luire jouant sur son luth d'ivoire pendant les dimanches d'hiver, et charmant par avance l'ennui des longues vesprées où l'on n'a rien à faire qu'à se remémorer les dits et faits du jour. Le renom de la douce damoiselle s'estoit répandu fort au-delà de son pays d'Anjou, par toute la France et même fort au-delà du pays François, chez les peuples étranges qui ne cessoient de la vanter pour son savoir, ce qui est bien plus rare, mais parmi ceux qui l'approchoient, se sentoient plein pour elle de respect et d'amitié, tant elle leur donnoit de joie et de réconfort dans leurs peines et ennuis. La dicte damoiselle, demeurant en la place forte du castel d'Angiers, le plus bel et le plus noble qui soit en ceste pays d'Anjou, estoit en puissance non de père ni de mari, mais d'un gouverneur fort sage qui n'aimoit point la musique. Depuis longtemps déjà, se plaignant que le son de ce luth d'ivoire le troubla dans ses travaux par des chansons oiseuses, il la mena à soi de le lui prendre. Quelques-uns qui l'entourroient lui représentèrent maintes fois que ses chansons estoient la liesse du pays d'alentour, que les barques mesmes des mariniers remontant la rivière de Maine embarquoient la lente et amoureuse mesure dans leur balancement, et que ce roi grand pitié d'oster à l'Anjou ce beau lys de poésie, ce fleuron plus que royal de sa couronne. Un jour, le gouverneur, tourmenté par d'autres soucis, voyant la belle Angevine chanter, en s'accompagnant sur les cordes d'argent, des laits qu'il n'entendoit mis, se rendit à la tourelle où elle tenoit sa cour d'amour. « Plus ne chanterai, ma belle, lui dit-il, c'est vous trop amusé à de sottes chansons. Si encore vous sonniez de beaux airs de guerre, comme les trompettes et cornets, ou bien de gais rondeaux faits pour baller et danser, ou bien de ces plaintives romances telles que nos bons manouvriers et paysans aiment de nos jours à chanter pour leurs noces, et qui vous font sortir par force les larmes des yeux. On souffrirait de vous entretenir à beaux deniers, mais pour l'agrément que les prud'hommes peuvent trouver en votre musique, vous feriez mieux de vous taire. Vous faites un bruit tel que l'on ne saurait entendre les batteleurs sur le champ de foire. Et comme la damoiselle épaourée le regardoit sans ouvrir la bouche, il prit le luth d'ivoire qu'il enferma dans un noir cachot. De ce moment, la bonne ville d'Angiers fut bien tranquille, et nul n'empêcha plus les ménestrels et batteleurs de s'esbaudir. Mais le luth d'ivoire estoit enchanté, ce qu'ignorait le gouverneur. Lorsqu'il cessa de résonner dans la tourelle qui regarde la rivière de Maine, les oiseaux chanteurs s'éloignèrent, rossignolets et doux pinsons, aussi bien que fauvettes. Seuls demeurèrent les corbeaux, agaces et jacasses, qui paroissent en temps d'hiver. Au printemps revenu, les arbres refusèrent de verdir, les prairies de se vestir de fleurettes. Les voiles blanches plus ne voulurent se gonfler sous la laine harmonieuse du vent et flottèrent tristement au long des mâts. Toute la joie de poésie estoit partie avec le beau luth d'ivoire. Et les bacheliers, qui par les leçons de la docte damoiselle apprenoient la douce science des chansons, demeurèrent tout sots. Alors une clameur plaintive s'éleva. « Rendez-nous le luth enchanté, afin que joie et honneur de musique nous reviennent avec lui. » Ici, la véridique légende que j'ai entre princes de conter a trouvé deux historiens qui point ne sont d'accord. Mais onc, vit-on deux historiens d'accord? L'un prétend que le gouverneur ne voulut ni se laisser attendrir et que le luth demeura sous clé. La belle Angevine pour lors se retira en le couvent de la Balmette, où frère François Rabelais lui enseigna le latin et pareillement l'art d'écrire en tel François que maître Joachim du Bellay en fut tout émerveillé. Les arbres et prairies d'Angiers refleurirent parce que n'est au pouvoir de nulle créature de se soustraire longtemps à la loi naturelle, même par des enchantements. Mais les rivages de Maine en demeurèrent mélancoliques, et c'est depuis lors que la nuit, même en été, le vent pleure dans les voiles des grandes barques au lieu de chanter comme autrefois. L'autre historien, qui nous semble mieux connoître les menus sentiers abscons du cœur humain, conte ceci. Le gouverneur n'avoit pas plutôt scellé le luth d'ivoire qu'il en fut tout mari, d'autant que ses conseillers et amis n'estoient tous d'accord avec lui et qu'il en avoit par avance soutenu plus d'un reproche. Quand il vit le dame et le chagrin que sa démarche avoit causé, il rapporta le luth à la belle Angevine en la priant de reprendre ses chansons qu'en un jour de fâcheuse humeur il avoit trop peu prisée. La damoiselle estoit fort aimable personne et ne voulut point se faire prier. Les chansons recommencèrent et, chose moins incroyable qu'on ne le cuiderait, le gouverneur lui-même, par accoutumance, y prit plaisir souvente fois. Et Angiers demeura ville de musique et fut forte en lot et renom dans le monde entier. Les deux fins ne sont point pareilles, choisissez celle que vous voudrez. Angiers, ce 26e jour de novembre, l'an 1892. Voile, voile, vous paraissez au détour de coteaux comme de grands oiseaux d'un vol lent et paisible. Et vous semblez flotter dans l'air, tant le bateau que vous menez, à fleur d'onde, reste invisible. Et vous passez aussi, voile, souvente fois, derrière un long rideau de feuillage très pâle, éclairci par la main d'octobre, trois par trois, comme un collier serti de géantes opales. Mais on vous voit toujours surgir si brusquement qu'on ne sait pas très bien si vous êtes réel, ou si ces blancs morceaux de toile sont des ailes qui vont se déplier dans le haut firmament. Un bon vent vous amène, un autre vous emporte, sûrement vous allez vers un port incertain, et je n'ai jamais su d'où vous veniez, qu'importe, pourvu que l'œil vous suive à l'horizon lointain. Ô grande voile, d'or quand le soleil se lève, voile d'argent bruni quand le ciel devient noir, haute voile de pourpre aux approches du soir, voile, emportez-moi vers le pays du rêve. 2 avril 1893. Chanson d'automne. Sur les eaux légères, qui se glissent en longs élans dans les prés bas où les bergères suivaient leurs troupeaux indolents, sur les eaux minces comme glace, cristal sans rayures et sans plis, où se mire tout ce qui se passe dans le ciel de brume rempli. Volez, vanneau, volez, sarcelles, dans l'azur encore incertain, éveillez du bout de vos ailes le silence gris du matin. Volez sur la plaine inondée d'où s'est exilé le bétail, où, vienne l'été, fécondé, les bœufs auront l'herbe au poitrail. Et sur le lac où rien ne bouge, sur le grand pays découvert, va se lever le soleil rouge, le sérieux soleil d'hiver. Novembre 1893. Mes yeux, ils ont trop admiré mes yeux gourmands, de l'éclat des glaciers à l'incarnat des roses, de l'ombre à la lumière, ils ont vu trop de choses, leur mémoire m'accable à de certains moments. Je les tiens enfermés sous mes paupières closes, et je vois défiler avec leurs mouvements, leurs formes, leurs couleurs brillantes ou moroses, mes souvenirs précis, douloureux ou charmants. Je m'aperçois alors que, dans ma vie entière, j'ai désiré surtout l'air vaste et la lumière, que le roi de mes jours fut le soleil vainqueur. Et quoique, ayant choisi pour ma règle maîtresse le devoir qui s'allie à la saine tendresse, j'ai vécu par les yeux autant que par le cœur. 27 avril 1894. Testament. Je ne veux pas mourir dans une grande ville où le bruit des passants étoufferait ma voix, mais dans un coin de terre humble, aimable et tranquille, devant un horizon dont j'ai rêvé 100 fois. Je n'aurai plus personne à pleurer sur la terre, de tout ce qui m'aima j'aurai porté le deuil, l'époux que j'adorais sera dans le mystère, j'aurai baisé ses yeux et fermé son cercueil. Que m'importe dès lors ou la mort ou la vie? Je n'eus jamais souci de gloire ou de renom. L'heure qui me prendra sera ma vraie amie, et sur ma pierre obscure on gravera mon nom. Ce sera, je l'espère, au déclin de l'année que je m'endormirai de mon dernier sommeil, car j'aurai vaillamment occupé ma journée, et je ne pourrai plus vivre sans le soleil. À l'aube de ce jour, en fine gouttelette, la brume aura poudré les fleurs de mon jardin, où des roses encore, déjà des violettes, s'ouvriront pour sourire à mon dernier matin. Plus tard, quand le soleil brillera, vers 1 heure, mes yeux déjà brouillés verront encore passer ce que j'ai toujours vu sans jamais m'enlacer. Une voile gonflée où le vent chante et pleure. Le crépuscule gris entrant dans la maison, quelqu'un viendra sans bruit pour fermer ma fenêtre, et l'on s'apercevra que j'aurai cessé d'être à l'heure où le soleil quittait notre horizon. Je ne veux point pour moi de pompée funéraire, ne désirant causer de troubles ni d'ennui, mais laissez en repos cette dernière nuit, que tout ce qui fut moi passera sur la terre. J'ai gardé trop longtemps le secret des bienfaits pour vouloir des discours, ce mensonge suprême, qu'on laisse à mon cercueil le silence et la paix, et si j'ai fait du bien, qu'il parle de lui-même. Août 1893. Les nuages, chevauchés des Valkyries. Ils sont maîtres du ciel, ils sont rois de l'espace. Ils cachent du soleil la joie et la clarté, soit que leur voile ajoute aux ardeurs de l'été, ou que la terre est froid lorsque leur ombre passe. Ils portent dans leurs flancs le bruit et la menace, le pouvoir qui les mène est encore indompté. Un seul est plus fort qu'eux, c'est l'ouragan qui chasse leurs troupeaux affolés dans l'azur révolté. Heurtant confusément leurs masses éperdues, ils roulent, Dans leurs plis j'aperçois par moments les déesses du nord, les ailes étendues. Elles volent vers l'est avec des grondements, et je vois s'effacer, forme à peine ébauchée, à l'horizon fuyant, la sombre chevauchée. 11 mai 1894. La grande ours. Comme une coupe immense où le vin bout et fume, le vallon jusqu'au bord était rempli de brume. Nul bruit ne pénétrait dans l'épaisse vapeur. J'étais seul, la nuit tombait et j'avais peur. Je ne distinguais rien. Parfois, mon pied rapide heurtant contre un caillou l'envoyait dans le vide. Le chemin dangereux s'effritait sous mes pieds. Au moins, si je voyais les deux grands peupliers, je saurais où je suis. Levons les yeux. La voûte de brume enveloppait le ciel comme la route. Je regardai là-haut longtemps. Le vent souffla. Le voile de vapeur doucement s'enroula. Dans l'azur adouci, j'aperçus la grande ours. Je savais mon chemin et j'achevais ma course. Ô constellation, nombre mystérieux, quel pèlerin de nuit, modeste ou glorieux, depuis l'homme hardi dans sa barque fragile, qui le premier quitta le bord, cherchant une île, n'a tourné son regard vers vous avec respect. Nous ne connaissons rien de vous que votre aspect. Le destin largement vous sema dans l'espace où les astres géants tiennent si peu de place. Vos 7 soleils sont loin dans les cieux incertains, éloignés l'un de l'autre et de nous, très lointains. Brasiers prodigieux, sphères incandescentes, pour les yeux et l'esprit, normes éblouissantes. Étoiles, on mourrait de frayeur devant vous, sinon que votre éclat est consolant et doux. Vous brûlez librement au-dessus de nos têtes, et vous ne savez pas tout le bien que vous faites aux humbles, aux penseurs, à tous les cœurs vaillants qui savent vous chercher au monde flamboyant. Dans mes plus noirs chagrins, dans mes plus grands désastres, au-dessus de mon front, j'ai toujours vu les astres. Août 1894. À J. J. Henner. Dédicace de mon roman Fidel K. Jadis, le voyageur fatigué, vers le soir, rencontrant une source à l'ombre des grands chênes, rendait grâces aux dieux avant que de s'asseoir, puis penché sur l'eau claire, y buvait à main pleine. Quand il avait goûté la fraîcheur du repos, pour mieux remercier la naïade captive, sur une pierre fruste, il gravait quelques mots et signait de son nom la tablette votive. Elle m'a bien souvent versé l'eau du léthé, la nymphe dont le corps indolent et superbe, maître, aux heures du soir étincelle dans l'herbe, symbole lumineux de la chaste beauté. Dans l'atelier peuplé de vivantes figures, j'apportais un cœur grave et souvent soucieux. J'ai reposé mon âme et réjoui mes yeux en contemplations très hautes et très pures. Suivons l'exemple ancien de ce pieux passant dont le nom fut gravé sur une pierre fruste. Ami, j'ai trouvé doux. Maître, j'ai trouvé juste d'inscrire ici mon nom reconnaissant. 6 septembre 1894. Le départ des barques. Les barques s'en vont à l'aube première. Dans le mouvement et les bruits joyeux, le ciel est azur, la terre est lumière, les nuages blancs font des plis soyeux. Le flot sur la coque, en chantant, déferle. Du haut jusqu'en bas du fin gréement, chaque gouttelette est changée en perle, toute éclaboussure est un diamant. Les barques s'en vont, silhouettes grêles, on les voit décroître à l'horizon clair, on s'avise alors qu'elles sont bien frêles, un petit frisson a passé dans l'air. On distingue encore leur forme amoindrie, qui s'efface et fuit tout là-bas, là-bas. On rentre un peu triste, à très petits pas. Ainsi nos enfants, quand on les marie. Septembre 1894. Chrysanthème. Vêtue d'une large robe de drap blanc, elle est assise dans le fauteuil d'un verre chaud qui semble tapissé de la mousse des forêts. La lampe élégante, sur un pied de porcelaine de Saxe, au contour capricieux, et penche une lumière très douce sur la rêveuse, très brillante sur les chrysanthèmes japonais du vase ventru, énorme. Les chrysanthèmes répandent leur bizarre odeur camphrée qui rappelle les boîtes venues de très loin, les meubles laqués, les étoffes étranges alourdies d'or et brochées d'oiseaux. Et dans la lumière éclatante, les chrysanthèmes du Japon dressent leurs longues tiges audacieuses, terminées par une seule fleur gigantesque d'or et de rubis, ou bien laissent glisser au bord du vase leurs branches lasses, leurs cascades échevelées de fleurs rose pâle, lavées d'un feu d'aurore et de clair de lune, délicates et tourmentées, on le dirait, par la nostalgie de la patrie lointaine, si lointaine. 1894. Nature. Et quoi, vous n'aimez pas la nature, lui dis-je, vous voyez froidement cet étonnant prodige de l'éveil du printemps après les mois d'hiver? Il vous importe peu que le gazon soit vert, que, dans un ciel profond, les nuages énormes changent magiquement de couleurs et de formes? Et vous n'avez jamais, dans l'océan vermeil, alors que, vêtu d'or, descendait le soleil, de votre cœur trop plein, sentit jaillir l'extase? Elle me répondit, « La nature m'écrase. Je me sens devant elle autant qu'une fourmi. Votre soleil brutal me semble un ennemi. Sous le nombre et le poids des astres je succombe. Votre univers trop plein n'est qu'une vaste tombe. La cruelle nature attend pour m'y jeter l'heure où je n'aurai plus la force de lutter. Sa féroce splendeur me gêne et m'inquiète. Je ne puis respirer, sachant qu'elle me guette. Elle a besoin de moi pour donner du fumier à ses fleurs. Elle espère ainsi m'humilier. Ayant été quelqu'un, je serai quelque chose, et mon cerveau pensant fera naître une rose. Je la hais. » Je songeais. « Oh, faiblesse du moi ! Ce n'est pas le néant qui cause son émoi. Elle est chrétienne et croit à son âme immortelle. Que lui faut-il de plus ? Et que redoute-t-elle? L'entendement humain peut-il être obscurci au point qu'un corps mortel cause tant de soucis? Et je me dis, ô mère, ô nature, je t'aime, car je sais que je suis une part de toi-même. Je t'aime pour ta force autant que ta beauté. Je sens vibrer en moi ton immortalité, car si rien ne se perd, je suis sûre de vivre. Oubliant pour un temps la pensée ou le livre, nature, dans ton sein j'ai voulu me plonger afin de te comprendre et de t'interroger. Planant dans l'air subtil, volant dans tes ramures, suivant le fil des eaux, bruissant dans tes murmures, j'ai compris un travail sans trêve et sans effort qui n'est pas notre vie et qui n'est pas la mort. Où chaque molécule, agent humble et sans aile, apporte son secours à l'œuvre universelle. Ainsi de nous, soumis à la commune loi, livrons nos corps usés à quelque obscur emploi, et mettant de côté l'amour-propre futile, soyons allègrement quelque chose d'utile. Égoïste toujours et cruel souvent, tu fais le même cas du mort et du vivant. N'ayant jamais connu d'orgueil ni d'indulgence, tu nous foules aux pieds avec magnificence. Nous pesons aussi peu dans tes robustes mains que la poussière astrale ou celle des chemins. Nous disparaissons donc, et sans laisser de traces, la personnalité s'atténue et s'efface à jamais. Quand le chêne, au retour du printemps, érige vers le ciel ses bourgeons éclatants, songe-t-il au regret de ses feuilles passées? Elles gisent aux pieds du géant, entassées, débris inanimés, sans forme et sans couleur, conservant tout au plus un reste de chaleur, mais elles sont l'espoir des frondaisons prochaines et formeront l'humus d'où sortiront les chênes. Oui, nous sommes l'engrais des générations. Nous pouvons disparaître avec nos passions, nos erreurs, nos progrès, luttes toujours fécondes, et nous travaillons tous à l'avenir du monde. Toute petite encore sur mes pieds chancelants, dans le sombre velours des cieux étincelants, mon père me montra l'étoile de la lyre, et j'appris à l'aimer avant de savoir lire. Grâce à lui, je connus les landes, les forêts, les astres, l'océan, les fleurs et leurs secrets. J'aimais tout ce qui vit et tout ce qui doit naître. Ton amour, ô nature, a pénétré mon être. Aussi, vers l'avenir voilé d'une vapeur, je descends lentement, mais j'avance sans peur. Reçois-moi dans le pan de ta robe étoilée, mère mystérieuse, Isis trois fois voilée. 29 juillet 1894. Nocturna versate manu. Versée aux heures de la nuit, parfois rapide, souvent lente, suivant que la douleur s'exaspère ou s'enfuit, versez les rimes consolantes. Comme un subtil et léger bruit de cristaux dans des mains tremblantes, la musique des vers accompagne et poursuit le rêve aux heures somnolentes. Mais si les mots harmonieux se groupent aisément entre eux, comme un vol de pinsons arrêtés dans les branches, que le rythmie et la beauté des vers calment la cruauté du démon malfaisant qui préside aux nuits blanches. Octobre 1894. Dans le cerisier, la corte jardinière, un peu lourde mais alerte tout de même, est grimpée sur une échelle double. Sa fille maigre, imperceptiblement rêche, se tient en équilibre de l'autre côté. Je suis entre deux, tenant le panier. « Mais maman, dit tout à coup la demoiselle, tu manges toutes les cerises ?»« Ce serait malheureux, répond la mère avec une sérénité imperturbable, si je ne pouvais pas en manger. »« C'est que ça n'emplit pas le panier de Madame Gréville. » Madame Gréville intervient et attrape une basse branche. « Mangez des cerises, madame, dit-elle. Je vais en cueillir pour les remplacer. Mon mari lit le journal dans la voiturette et l'ânesse est en train de ronger votre haie. Tout va bien. » La demoiselle garde le silence et ne cueille plus avec autant d'ardeur. « Au bout d'un instant, vous aimez mieux la campagne, n'est-ce pas, madame ? » dit la mère. « Certainement. Vous y êtes plus à votre aise. Oui, quoiqu'à Paris, je ne fasse guère que ce que je veux. Je pense bien, mais je veux dire que vous aimez mieux les fleurs, la terre, les arbres. » Elle sentait vivement tout ce que représente pour nous autres le mot « nature », mais ne pouvait s'exprimer. D'un geste large, au risque de tomber dans l'herbe, lâchant les branches couvertes de cerises, elle indiqua l'horizon doux, emperlé de rosée. « Tout ce qu'il y a autour de nous, n'est-ce pas que c'est bien plus beau que ce qu'on voit dans les villes ?»« Chère femme, cœur humble et content de son labeur, elle ne portera jamais de chapeau et restera fidèle aux coiffes délicieuses des ponts de C. Sa fille portera un chapeau, elle, dès qu'elle sera mariée. » 1894. Papillon bleu. Pour de la musique de moi. Les fleurs du lin ont pris des ailes pour passer par-dessus la mer, emporter, ô papillon frêle, un message de moi dans l'air. Celle que j'aime est enfermée, bien loin d'ici, dans une tour. Allez dire à ma bien-aimée qu'elle me garde son amour. Dites-lui que je suis fidèle, à travers mes longues douleurs, que je n'ai jamais aimé qu'elle, qu'elle a mon âme, et que j'en meurs. Décembre 1894. Portrait à Julie S. Elle est belle, mais sa beauté est faite de pensée autant que de matière. Son charme le plus doux est dans la pureté d'un regard où se lit son âme tout entière. Elle est riche, mais son argent, quoique tout autour d'elle on sente l'abondance, pour soutenir le faible et vêtir l'indigent, lui paraît un dépôt fait par la Providence. Elle est bonne, mais son regard pénètre jusqu'au fond les vaines tricheries, son esprit net et droit fait à chacun sa part, on ne l'attendrit point par des pleurnicheries. Elle est douce, mais cependant en elle est un soldat qui veille l'arme haute. Elle sait pardonner, mais garde pour la faute son mépris, qu'elle cache au fond d'un cœur ardent. Nul autre n'est plus cher et plus haut estimé, dans un monde où la vie est prise au sérieux. « Qui cela ? » dira-t-elle en ouvrant de grands yeux, et, depuis bien longtemps, ses amis l'ont nommé. 5 janvier 1895. Fin de la section 6.